Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, Franck Ferrand nous plonge au cœur de l'histoire des mousquetaires. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Les mousquetaires, autrefois, étaient les porteurs de mousquets. Vous savez, le mousquet, c'était l'ancêtre de notre fusil. Le plus célèbre des mousquetaires, c'est évidemment le D'Artagnan d'Alexandre Dumas, dont je vais vous raconter la véritable vie. Et puis, en compagnie de Michel Carmona, nous évoquerons ces soldats bien particuliers qui ont laissé des traces, on peut dire jusque dans notre monde, hein, des poignées mousquetaires aux mousquetaires de la distribution, en passant par ceux du tennis, par exemple. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Fanny, qui, via Facebook, vous demande quelle est l'origine de la guitare. Bien, voilà une question. La guitare, un instrument dont auraient pu jouer les mousquetaires, d'ailleurs, vous allez vous en rendre compte. Pour le moment, un pour tous, tous pour un. Europe 1, au cœur de l'histoire. Ferrand. Notre ami Nicolas Carreau d'Europe 1 a su que nous allions parler des mousquetaires. Son sang d'amoureux d'Alexandre Dumas n'a fait qu'un tour et il est arrivé porteur des derniers feuillets de la saga des Trois Mousquetaires. Vous savez, ces pages finales du Vicomte de Bragelonne où l'on voit le héros mourir au siège de Maastricht en 1673, au moment où il venait de recevoir son brevet de maréchal. Je cite Alexandre Dumas, qui vient donc de raconter qu'une lettre de Colbert est arrivée pour annoncer la promotion de D'Artagnan et que celui-ci s'apprête à ouvrir un coffret envoyé par le ministre et contenant de riches présents. Je cite donc le grand Dumas, père. D'Artagnan, ivre de joie, fit un signe au messager qui s'approcha son coffret dans les mains. Mais au moment où le maréchal allait s'appliquer à le regarder, une forte explosion retentit sur les remparts et appela son attention du côté de la ville. « C'est étrange, dit D'Artagnan, que je ne vois pas encore le drapeau du roi sur les murs et qu'on n'entende pas battre la chamade. » Il lança 300 hommes frais sous la conduite d'un officier plein d'ardeur et ordonna qu'on bâtît une autre brèche. Puis, plus tranquille, il se retourna vers le coffret que lui tendait l'envoyé de Colbert. C'était son bien, il l'avait gagné. D'Artagnan allongeait le bras pour ouvrir le coffret, quand un boulet, parti de la ville, vint broyer le coffre entre le bras de l'officier, frappa D'Artagnan en pleine poitrine et le renversa sur un talus de terre, tandis que le bâton fleur-de-lysé, s'échappant des flancs mutilés de la boîte, venait en roulant se placer sous la main défaillante du maréchal. D'Artagnan essaya de se relever. On l'avait cru renversé sans blessure. Un cri terrible partit du groupe de ces officiers épouvantés. Le maréchal était couvert de sang. La pâleur de la mort montait lentement à son noble visage. Appuyé sur les bras qui de toutes parts se tendaient pour le recevoir, il put tourner une fois encore ses regards vers la place et distinguer le drapeau blanc à la crête du bastion principal. Ses oreilles, déjà sourdes au bruit de la vie, perçurent faiblement les roulements du tambour qui annonçait la victoire. Alors, serrant de sa main crispée le bâton brodé de fleurs de lys d'or, il abaissa vers lui ses yeux qui n'avaient plus la force de regarder au ciel et il tomba en murmurant ces mots étranges qui parurent aux soldats surpris autant de mots cabalistiques, mots qui avaient jadis représenté tant de choses sur terre et que nul, excepté ce mourant, ne comprenait plus. « Athos, Porthos, au revoir, Aramis à jamais, adieu !» Des quatre vaillants hommes dont nous avons raconté l'histoire, il ne restait plus qu'un seul corps, Dieu avait repris les âmes. Alexandre Dumas, rien que dans cet extrait, commet, disons-le clairement, plusieurs erreurs historiques, mais il était coutumier du fait, ne serait-ce que dans la manière dont il fait mourir D'Artagnan, puisque le vrai personnage a été emporté d'une balle de mousquet dans la gorge. Alors, qui était ce véritable Charles de Bas de Castelmaure? En le tirant de l'ombre pour en faire un héros de roman, on peut dire que Dumas a changé un certain nombre d'éléments de l'histoire. Il s'inspire notamment de mémoires de Monsieur d'Artagnan, qui était paru ses mémoires en 1700, un ouvrage de Courty de Sandra, et qui lui permettait, en quelque sorte, de poser le cadre, de trouver exactement les différents aspects du personnage, qui lui donnait aussi un certain nombre d'anecdotes. D'Artagnan, c'est sur lui que s'ouvre et se clôt le roman. Il y occupe une place à part si importante qu'il aurait dû s'en approprier le titre, puisque l'histoire racontée est la sienne, a écrit Simone Berthier dans Dumas et les Mousquetaires. C'est lui qui mène le jeu dans les aventures périlleuses où il embarque ses amis. Il dresse de lui un portrait en actes riche et nuancé qui respire la vie. Certes, mais c'est néanmoins bel et bien un personnage de fiction auquel nous avons affaire. Le vrai D'Artagnan, D'Artagnan du nom d'une terre en Bigorre, une terre qui se trouve dans la famille de Montesquieu dès le XVe siècle. Le vrai Charles de Bas, né à Lupiac en Béarn en 1623, pour autant qu'on le sache, a vécu dans le manoir familial de Castelmaure. Jusque-là, Dumas a raison. Il était bel et bien cadet de Gascogne. Il décide de se rendre à Paris pour gagner sa vie. En 1640, il arrive donc à Paris sous le nom de D'Artagnan. Vous voyez que jusque-là, on est à peu près dans le roman tel qu'il a pu être conçu. On ne sait pourquoi il choisit d'emprunter le nom de sa mère, qui s'appelait donc Françoise de Montesquieu d'Artagnan. Lui s'appelle Charles de Bas, encore une fois, B-A-T-Z. Peut-être que ça se prononce bas. Peut-être pour une meilleure réputation de la famille de sa mère auprès de la cour. C'est peut-être ça l'histoire, hein, parce que du côté du père, on n'était pas tellement bien vu, évidemment, chez le cardinal. Rapidement, il n'en est pas moins admis au corps des mousquetaires du roi, sous Monsieur de Tréville. Bon, ça, on connaît. Et il a un certain nombre de soutiens, notamment sa tante qui est la sœur du maréchal de Gassion. Ça, c'est très important. Le duc de Gramont aussi est un ami de la famille. Tout ça, on est dans la région, hein, on est dans la Gascogne. Alors, on sait que le vrai D'Artagnan s'est battu lui aussi en duel, lui aussi a joué dans les tripots, lui aussi a consommé plus de vin que de raison, qu'il a reçu de l'argent d'une maîtresse admirative, etc. Mais vous imaginez bien qu'à partir de tout cela, le romancier du 19e lui a brodé à l'infini. Il devient, disons-le, un proche, une des chevilles ouvrières de tout le petit système mis en place par Mazarin. Il est nommé gentilhomme ordinaire au service de ce cardinal de Mazarin. Si vous voulez, c'est un petit peu, si j'ose l'expression, un agent du deuxième bureau de Mazarin. On est en plein dans les troubles de la Fronde. On va voir D'Artagnan remplir un certain nombre de missions secrètes, aussi bien pour Mazarin que pour la reine-mère, pour la régente Anne d'Autriche. D'Artagnan savait aller au milieu des difficultés et écarter les gêneurs, raconte un mémoire de l'époque. C'est vrai qu'il était doué pour ça. Alors, il va donner à notre personnage un certain nombre d'offices. Il est lieutenant au régiment des gardes françaises en 1652. On lui donne des titres qui lui permettent également de toucher un certain nombre d'émoluments, même si ça ne correspond pas à grand-chose. Il est capitaine de la volerie royale en 1653. Il obtient des revenus réguliers et un logement dans un petit pavillon tout proche de la cour du Louvre. Il est capitaine aux gardes en 1955. Là, ça devient très sérieux. Sous-lieutenant en 1958. Capitaine-lieutenant de la première compagnie des mousquetaires du roi en 67, ça ce sera après l'arrestation de Fouquet que nous avons raconté à ce même micro il y a quelque temps. Il est également, mais ça fait partie là aussi des nombreux titres qu'il aura, il s'occupe des chiens courants, le chevreuil, et oui, vous savez qu'à l'époque la vénerie occupe une place très importante dans les fonctions de cour. Disons-le, à la mort de Mazarin, Monsieur D'Artagnan devient le protégé du roi Louis XIV. Oh bah finalement, disons-le, Alexandre Dumas n'a pas inventé grand-chose. On écoutait Philippe Sard, d'un extrait de la bande originale du film D'Artagnan, réalisé par Bertrand Tavernier en 1994, avec notamment Claude Riche, Sophie Marceau ou encore Philippe Noiret. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous sommes au cœur de l'histoire. Cet après-midi, vous nous racontez, Franck Ferrand, la vie de D'Artagnan. Alors, ce D'Artagnan, on parle du vrai, vous avez bien compris, hein, de Charles de Bade, de D'Artagnan, donc, puisqu'il a pris un des noms de la lignée maternelle. On peut dire qu'il fait partie, vous savez, de toute cette petite équipe que Mazarin a littéralement transmise à Louis XIV sur son lit de mort. On ne peut pas dire que Mazarin se soit éclipsé sans donner au jeune roi, Louis XIV en 1661 à 23 ans, et on ne peut pas dire que Mazarin se soit éclipsé sans lui donner les moyens de gouverner. Et l'on sait que le roi, Louis XIV, va prendre le pouvoir réellement. Il va devenir, il va se mettre non seulement à régner mais à gouverner la France, mais il le fait avec une équipe qui a été soigneusement constituée par Mazarin. Ça aura été son ultime legs. Il devait bien ça, Mazarin, entre nous, mais enfin, ça nous entraînerait un peu loin, ça. Alors, évidemment, il connaissait D'Artagnan depuis longtemps, ce jeune roi, puisqu'il l'avait vu le protéger pendant la Fronde. Il avait été son, si on peut dire, son garde du corps. D'Artagnan est en charge de la sécurité du roi, notamment lors de son mariage à Saint-Jean-de-Luz en 1660, mais dans d'autres circonstances. D'ailleurs, à Saint-Jean-de-Luz, il en profite évidemment pour retourner sur les terres de son enfance et pour rencontrer son cousin Montesquieu, dont on dira un mot tout à l'heure. Alors, le roi n'est pas le seul à se marier, puisque quelques mois plus tôt, le 5 mars 1659, a eu lieu le mariage de D'Artagnan, qui a 36 ans. Il a pris le temps, hein. Il a bien réfléchi avant de se marier. Alors il faut l'imaginer arrivant en mousquetaire, hein, à son mariage. Faut voir ce que c'est qu'un mousquetaire. C'est impressionnant, hein, quand même. Il est sur son cheval noir à longue queue, vêtu d'une casaque azur brodée de la fameuse croix blanche, avec le chapeau à plumes retombantes. Il faut imaginer le personnage, parce qu'on a deux portraits qui nous permettent de voir assez précisément à quoi il ressemblait, hein, ce visage un peu allongé, le nez bien fait, les traits réguliers, les yeux noirs. Ça devient un homme du sud-ouest. Et il épouse une jeune veuve, Charlotte Anne de Chancy, qui est dame de Sainte-Croix, qui elle-même avait été mariée en première noce avec un certain Jean-Léonore d'Amas. Le contrat de mariage est minutieusement rédigé, ils ont eu le temps d'y réfléchir l'un comme l'autre. Les biens et les intérêts de madame qui sont importants sont protégés. Ils auront quand même deux enfants qui vont naître en 1660 et en 1661 et qui tous deux sont prénommés comme le royal protecteur du mousquetaire Louis. La vie maritale, la vie conjugale de D'Artagnan, disons-le, n'est pas tellement florissante. Ça respire pas le bonheur, ce petit couple-là. Tous deux ne s'entendent pas du tout, notamment à cause des incessants déplacements d'un mousquetaire que sa femme accuse de tous les maux. Il faut dire que les mousquetaires de l'époque ne sont pas convaincus de l'utilité de n'avoir qu'une épouse. Ça leur paraît même une drôle de coutume. Alors généralement, ils ont plusieurs maîtresses. C'est sans doute l'idéologie, c'est sans doute la conception que partageait D'Artagnan lui-même. Donc la vie commune, disons-le, ne dure pas. Elle le quitte au bout de 3 ans. Elle s'en va vivre sur ses terres, au château de Sainte-Croix, en Bourgogne. Et elle laisse son mari à Paris et à la cour. Plutôt qu'à Paris, d'ailleurs, je devrais dire à la cour, puisque la cour réside essentiellement à l'époque à Saint-Germain-en-Laye. Alors, D'Artagnan va évoluer. Il est toujours très proche du roi, mais il va devenir, et ça c'est un peu particulier, on peut pas dire que ce soit le meilleur passage de sa biographie, il va devenir geôlier. Mais alors attention, pas un geôlier comme les autres. Rappelez-vous ce que nous racontions au début de cette année, cette arrestation spectaculaire de Fouquet au sortir du palais de Rennes, hein, cette arrestation du surintendant des finances en 1661. Eh bien, c'est évidemment D'Artagnan qui commande le petit groupe des gardes chargé d'arrêter Fouquet. Il va le conduire Nantes, Angers, jusqu'à la Bastille. Et il va en être le gardien, disons, le geôlier, jusqu'en 1665. Alors, il va falloir, évidemment, déjouer toutes les tentatives d'évasion de l'ancien surintendant. Néanmoins, monsieur D'Artagnan sait comment on doit parler à un prisonnier d'État. Il fait preuve d'une certaine humanité, c'est incontestable. Et notamment, vous savez, c'est lui qui va permettre à Fouquet d'embrasser sa femme avant de retourner au cachot de la Bastille. Madame de Sévigné écrit « Monsieur D'Artagnan ne fut pas vraiment geôlier pour son prisonnier, mais un ami et un consolateur. Alors attention, hein, c'est Madame de Sévigné qui dit ça, mais il y a sans doute un fond de vérité là-dedans. D'Artagnan est enfin chargé de conduire Fouquet au donjon de Pignerol au moment de sa condamnation à perpétuité, et plus tard, il devra amener dans ce même donjon le comte de Lauzun, une autre des grandes affaires. Tiens, ça me donne une idée d'ailleurs, on devrait faire une émission sur ce fabuleux, ce fascinant comte de Lauzun, personnage invraisemblable. Alors, D'Artagnan n'abandonne pas ses missions militaires. Hein. En 1665, le voilà qui vole au secours des Hollandais attaqués par les troupes de l'évêque de Münster, avec toute sa compagnie. Il est nommé capitaine en chef des mousquetaires du roi. Son cousin, d'ailleurs, dont je parlais tout à l'heure, fait partie de sa compagnie à ce moment-là. Il dirige les régiments de Provence, de Monaco, qui sont vraiment des régiments très importants en tant que brigadier d'infanterie. Et puis, pendant la guerre de Dévolution, toutes les places fortes qui tombent sur l'avancée du roi dans les Flandres tombe, j'allais dire, devant Monsieur D'Artagnan. Alors c'est pas lui hein, qui est aux commandes, évidemment c'est le maréchal de Turenne, mais enfin, et le roi est là aussi. Mais enfin, il participe évidemment à cette campagne tout à fait extraordinaire, et on dit qu'à Lille, il va se jeter au milieu de la bataille pour prêter main forte à ses collègues alors qu'il n'est même pas de service. En récompense, le roi le nomme carrément gouverneur de Lille. Il faut jamais oublier, sous l'Ancien Régime, que quand vous voyez nommé à des postes comme cela, il y a évidemment les émoluments afférents. Et donc ce sont autant de bénéfices qui tombent dans votre escarcelle. Autant dire que Monsieur D'Artagnan, à cette époque-là, n'est pas du tout à plaindre. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire cet après-midi, vous nous parlerez, Franck, dans un instant avec votre invité des mousquetaires, et nous revenons à l'un d'entre eux, D'Artagnan. Oui, on peut dire que c'est le mousquetaire par excellence, celui dont on a évidemment conservé le souvenir. Alors je vous disais que Louis XIV en avait fait carrément un gouverneur de la place forte de Lille, vous imaginez, essentielle place fortifiée par Vauban bien entendu, c'est la première des grandes citadelles de Vauban. Voilà la justification, vous savez, le roi envoyait des lettres dans ces cas-là, et voilà la justification de sa majesté. Nous avons jeté les yeux sur vous, sachant que nous ne saurions nous en reposer sur un sujet plus digne, ni qui puisse nous y servir plus utilement pour les témoignages que vous nous avez donnés en diverses charges de votre valeur, courage, expérience, tant en ce qui est du fait de guerre que du bon gouvernement des peuples, comme aussi d'une prudente et sage conduite, et par ailleurs prenant une entière confiance en votre fidélité et affection sur enchère en votre service. Le roi ne peut décerner d'hommage plus éclatant à son serviteur, qui encore une fois est un proche. Alors évidemment, j'ai là sous les yeux, et c'est aussi un petit cadeau de Nicolas Caro, j'en parlais tout à l'heure, un texte d'Alexandre Dumas qui nous montre D'Artagnan, le D'Artagnan des trois mousquetaires, hein, bien évidemment, en l'occurrence de 20 ans après, se permettre de faire la leçon à Louis XIV, c'est assez spectaculaire, une espèce de dispute entre eux extrêmement violente, et alors Louis XIV ne se laisse pas faire, sur quoi D'Artagnan hurle « Que mon sang retombe sur votre tête, sire !» vous imaginez, et d'un geste rapide, écrit Alexandre Dumas, appuyant la poignée de l'épée au parquet, il en dirigea la pointe sur la poitrine, le roi s'élança d'un mouvement encore plus rapide que celui de D'Artagnan, jetant le bras droit au cou du mousquetaire et de la main gauche, saisissant par le milieu la lame de l'épée qu'il remit silencieusement au fourreau. D'Artagnan, roide, pâle et frémissant encore, laissa sans l'aider faire le roi jusqu'au bout. Alors Louis, attendri, revenant à sa table, prit la plume, écrivit quelques lignes, les signa et tendit la main vers D'Artagnan. « Qu'est-ce que ce papier, sire ?» demanda le capitaine. « L'ordre donné à Monsieur D'Artagnan d'élargir à l'instant même Monsieur le comte de l'affaire. » Je vous dis très sincèrement que les choses n'ont pas pu se passer de cette manière. On dirait, en l'occurrence, on dirait plutôt deux membres du jockey dans les années 1840 qui sont en train de se parler entre eux. C'est pas du tout la façon dont on parlait au roi de France à l'époque, et encore moins de la part d'un capitaine des gardes comme pouvait l'être D'Artagnan. Mais en tout cas, ce qu'a voulu, ce qu'a voulu dire et ce qu'a voulu nous faire comprendre Alexandre Dumas, c'est le degré de proximité de ces deux hommes, et ça, il est incontestable. En 1672, D'Artagnan est carrément fait maréchal de camp, donc c'est pas maréchal de France, hein, mais enfin c'est un haut grade, l'équivalent d'un général de brigade aujourd'hui. Le roi lui demande donc de commander cette place de Lille en l'absence du maréchal Dumière. C'est une mission très importante. Et puis arrive donc le début de l'année 1673. Voilà D'Artagnan parti pour Maastricht, place hollandaise dont on fait le siège. Il est quand même avec 45 5000 hommes. C'est la deuxième année de campagne contre les Provinces Unies, qui se révélera d'ailleurs une campagne extraordinairement victorieuse, la période la plus glorieuse, disons-le, du règne de Louis XIV. Mais à l'époque, on ne le sait pas encore, car certaines de ces places se sont bien défendues, et c'est le cas, évidemment, de Maastricht, où D'Artagnan dirige une formation de 300 grenadiers et d'une centaine de mousquetaires, à côté de la porte de Tongres. Et c'est donc le dimanche 23 juin, au cours d'une fameuse contre-attaque qui a lieu en début d'après-midi. D'Artagnan entend qu'une contre-attaque est lancée. À ce moment-là, il n'est pas de service, il quitte ses convives. Immédiatement, il rassemble tous les siens et le voilà parti à l'assaut. C'est le duc de Monmouth qui voulait s'avancer à découvert. À ce moment-là, D'Artagnan l'en décourage, mais il passe devant pour assurer la sécurité de l'assaut. « Votre plan est excellent, mais je me dois d'en assumer le risque », aurait-il dit. Et ça, on le sait grâce à un témoignage de l'arrière-arrière-arrière-petit-fils du fameux duc de Marlborough qui dirigeait les opérations côté britannique, c'est-à-dire un certain Winston Churchill, au passage, qui avait fait lui aussi de D'Artagnan un héros. Peut-être, tout simplement, avait-il, comme beaucoup d'autres, lu « Les Trois Mousquetaires » d'Alexandre Dumas. Comment D'Artagnan est-il mort? Je vous l'ai dit, tué d'une balle de mousquet à la gorge. Si estimé, dit-on, que ces hommes ont risqué leur vie pour ramener son corps. Une messe en son honneur sera demandée par le roi et elle sera dite non pas au quartier général, mais elle sera dite sous la tente même du héros, enfin trépassé. Bonjour Michel Carmona, merci beaucoup d'être des nôtres. Vous êtes un véritable pilier de cette émission maintenant. Vous parlez si bien de cette époque que vous nous faites littéralement rêver à chaque fois. Alors, réglons tout de suite la question. Il y a bien deux D'Artagnan dans l'histoire. Le cousin, dont j'ai dit un mot tout à l'heure, et puis celui qu'Alexandre Dumas a rendu immortel. Et c'est vrai que lorsqu'on consulte les documents anciens, il n'est pas rare que l'on confonde les deux et qu'on tombe souvent sur le cousin, en vérité. Oui, il y a des confusions, quelquefois. Ils s'appellent tous les deux de Montesquieu, eh oui. D'Artagnan. Alors, de Montesquieu, c'est le nom de la mère que notre D'Artagnan n'aurait pas dû porter, mais c'était beaucoup plus chic que le nom de Batz de Castelmore, qui était une très petite famille. Et donc, tous les deux sont cousins germains. Et notre D'Artagnan est de 8 à 10 ans plus âgé que le second, qui vit jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Alors, nous parlerons de deux D'Artagnan ensemble, mais non pas des deux cousins. Nous parlerons du vrai et du faux, tout simplement. Franck Ferrand, 14h, 15h. Sur Europe 1. Et nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi avec vous, Franck Ferrand. Vous nous parlez des mousquetaires avec votre invité Michel Carmona, historien, auteur notamment de Richelieu aux éditions Fayard. Fabuleux Richelieu de Michel Carmona, mais il y a bien d'autres livres, notamment la France de Richelieu aussi chez Fayard. Alors Michel Carmona, on se disait pendant l'interruption que ce cousin germain dont vous nous parliez, c'est lui qui est enterré au Plessis-Robinson en fait. Oui, hein. c'est lui qui a acheté le château du Plessis-Robinson quelques années après la mort de notre D'Artagnan, voilà, si je veux dire. Et a donc été le seigneur de ce... Parce qu'il a survécu à son cousin très longtemps, lui, oui, en fait. Très longtemps, oui, très longtemps. Et il a donc acheté la seigneurie de ce qui s'appelait alors le Plessis-Piquet, parce que le nom de Robinson est venu beaucoup, beaucoup plus tard. Et donc, il y avait deux D'Artagnan et deux D'Artagnan mousquetaires. Parce que cousin aussi a été chez les mousquetaires. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, ils ont même, à un certain moment, servi dans les mêmes batailles. Alors Anne nous demande via Facebook si nous savions qu'il y a justement actuellement deux familles qui se battent pour porter ce nom d'Artagnan, les familles de Montesquieu-Fezensac et de Bas justement. Hein, pourquoi ? Parce que le personnage est devenu mythique tout simplement. Sinon on ne réclamerait pas à ce point sa postérité. Le nom de D'Artagnan est tellement, je dirais, universellement connu. Mais oui, c'est incroyable. Dans le monde entier. On a envie de se l'approprier si on a une petite raison de légitimité. Ce qu'il faut dire, c'est que Alexandre Dumas s'est inspiré de faits réels, bien entendu, et que les autres personnages des Trois Mousquetaires portent également des noms historiques. Hein, ils ont tous existé. Ouais, Athos, Porthos, Aramis, ils ont existé. Ils ont été mousquetaires. Alors, les noms n'étaient pas exactement les mêmes. Il y avait un comte de Porto C'est devenu Porthos, c'est plus joli. Voilà, oui. C'était beaucoup plus joli. Oui. Mais ils ont tous existé, ils étaient mousquetaires. Il y a le capitaine des mousquetaires, Monsieur de Tréville également, qui est là. Ben, réellement, c'était lui, le capitaine des mousquetaires. Et tout ça, ce sont des faits très réels. Et puis, il y a autre chose que l'on trouve chez Alexandre Dumas, c'est ce côté, je dirais, très privilégié des Gascons et des gens d'Aquitaine. Depuis que le corps des mousquetaires avait commencé sous Henri IV et puis pendant la jeunesse de Louis XIII, Henri IV, évidemment, il venait du Béarn, mais il avait une grande confiance dans ces Gascons, comme il disait. Et, oui. Et c'était pour les Gascons une espèce d'école militaire. C'était devenu comme ça. Et beaucoup de mousquetaires sont extraordinairement jeunes. Il y a là des garçons qui sont des garçons. Ça fait un peu penser à l'école des cadets qu'on voit dans Cyrano de Bergerac, hein, bien entendu. C'est tout à fait ça. Et c'est effectivement les cadets de Gascogne qui montent à la cour pour se faire un nom et pour essayer d'obtenir des faveurs comme celles qu'obtient finalement d'Artagnan au bout de son épée, au bout de son intelligence. Alors pour en finir avec Alexandre Dumas et après nous irons parler de d'Artagnan et des mousquetaires tels qu'ils étaient vraiment, il s'est appuyé sur cet ouvrage de Courtis de Sandra qui était paru à la fin du règne de Louis XIV et qui est déjà singulièrement romancé, il faut dire. Et Courtis de Sandra a aussi été mousquetaire. Et voilà. Et c'est la fierté d'avoir obtenu au corps des d'avoir appartenu à ce corps des mousquetaires qui était très très très prisé, qui l'a amené à raconter une histoire sur laquelle il a effectivement enfilé beaucoup d'anecdotes qui n'avaient rien à voir avec le vrai D'Artagnan et des faits également inventés. Alors, disons les choses clairement. D'Artagnan, certes, est issu de cette Gascogne. Il a peut-être sans doute un peu l'accent quand il arrive, mais et Madame de Sévigné ne s'y est pas trompée lorsqu'elle en parle au moment du procès Fouquet, et il y en a bien d'autres comme elle. Il fait partie de la bonne société parisienne. Voilà un homme qui est parisien jusqu'au bout des ongles, en vérité. Ah, mais le fait d'être gascon n'empêche pas de s'intégrer N'est-ce dans pas la bonne société parisienne. Je vois pas parisienne. À qui vous faites allusion. Non. Alors, surtout si on est passé par le corps des mousquetaires. Et voilà. Et on parle des succès féminins. Vous avez rappelé que le mariage de D'Artagnan n'a pas tenu très longtemps. Mais il faut bien dire que beaucoup de femmes raffolaient des mousquetaires. Parce qu'ils avaient du panache, parce que généralement, à la Gascogne, ils parlaient bien, ils parlaient de manière sonore. Ils étaient très beaux, il faut dire ce qui est. Alors déjà, ils ont cet uniforme incroyable qui remonte à quand ? Qui remonte bien avant le règne de Louis XIII, en vérité, non ? L'uniforme a commencé sous le règne d'Henri IV. D'Henri IV, voilà. D'Henri IV, et puis il est toujours resté le même avec cette casaque, parce que les mousquetaires, au début, ils n'ont pas d'uniforme en réalité. Ils sont habillés, si on peut dire, comme à la ville, en civil. Et puis par-dessus, il y a cette casaque. Imaginez les jabots de dentelle, les grandes bottes, en fait, etc. On est, Et la casaque. Et ils portent la casaque qui les unifie, en fait. Qui les unifie, qui est toujours bleue. Avec une croix blanche, de velours blanc qui est cousue dessus. Et cette casaque, elle est très particulière parce qu'elle est faite en réalité de 4 morceaux d'étoffe qui sont attachés au cou et qui sont fixes devant et fixes dans le dos, mais qui sur les côtés permettent aux bras, et ça c'est essentiel évidemment pour le combat, qui permettent aux bras de pouvoir jouer librement. Mais pendant le mauvais temps, en hiver, on peut aussi attacher les pans de cette casaque. C'est comme une sorte de pèlerine, si vous voulez. Alors, et ça permet de résister aussi au froid et à la pluie. Alors, c'est très particulier. C'est très particulier. Il n'y a que les mousquetaires qui ont cette belle casaque bleue avec ses croix blanches. Et on les reconnaît, évidemment, de très loin. Alors, ils ont ces grands chapeaux à panache qu'on porte, évidemment, à la cour de Louis XIII. Mais ce qui est assez étrange, c'est qu'on imagine toujours les mousquetaires en train de se battre à l'épée. Ce sont des bretteurs extraordinaires, si l'on en croit du moins Alexandre Dumas. Et c'est toute l'image. On a toujours l'image de ce mousquetaire avec son épée à la main. Or, que je sache, un mousquetaire, comme son nom l'indique, c'est d'abord un homme qui porte mousquet, c'est-à-dire un fusil. Oui. Ça, c'est quand le même mousquet, étrange. Oui. Alors, il y a d'ailleurs 2 catégories de mousquetaires. Alors, voilà. Nous parlons toujours des mousquetaires qui sont en réalité des mousquetaires à cheval, mais il y a aussi des mousquetaires à pied. Qui sont des fantassins. Des fantassins, oui. Comme les autres, qui sont souvent des gens qui, avant, étaient armés d'une arquebuse ou bien d'une lance. Apparaît le mousquet sur les champs de bataille, qui est une arme efficace. Le mousquet, il porte quand même à quelque chose comme 400 mètres. Et à ce moment-là, donc, effectivement, on constitue des unités de mousquetaires à pied. Mais pour le service du roi, on les met à cheval. Alors, au début, c'est-à-dire jusque vers le début du règne de Louis XIV, ils ne combattent pratiquement pas à cheval. Parce que le mousquet, on peut pas le porter à l'épaule. Voilà, oui. Voilà. Et ils sont donc obligés de descendre de cheval. Il faut, parce que le mousquet, c'est un fusil lourd. Avec un long il a canon. 1m20. Alors voilà. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 1m20. Et donc on pose le canon sur un affût, hein, faut voilà, dire ça. C'est sur une pique, un piquet, oui, voilà. En métal qu'on appelle la fourquine. Alors il faut le planter en terre, il faut poser le mousquet dessus. À ce moment-là, ben, il faut viser, il faut ajuster. Alors il est organisé de façon telle que vous ne pouvez le mettre que contre la joue droite. Hein, si vous visez de préférence de l'œil gauche, c'est raté. Alors, la joue droite, et puis à ce moment-là, vous tirez. Vous tirez balle après balle, vous avez une baguette pour enfoncer la balle, et la balle elle-même, elle est lourde. Hein. Les balles, elles pèsent quelque chose comme 50 à 60 grammes aujourd'hui. Alors, imaginez, envoyée à 400 mètres, elle vous tue un homme, comme le pauvre D'Artagnan sera lui-même tué par une balle de mousquet. Oui, c'est-à-dire que c'est le paradoxe, c'est que le personnage lui-même a été tué par un mousquet, enfin par une balle de mousquet. Oui. Mais alors, donc, on les a mis à cheval. On les a mis à cheval pour, comme garde du corps, comme escorte du roi, etc. Et puis, petit à petit, sous le règne de Louis XIV, ils ont commencé à combattre à cheval parce qu'on a raccourci le mousquet et on l'a allégé. On lui a enlevé au moins 30 cm de longueur et il pesait 8 kg au début. Là, maintenant, il en pèse quelque chose comme 5. Et on peut tirer sans avoir besoin de l'appui, de la fourquine, cette fourche qu'on plante en terre. Quand je commençais mes études d'histoire, il y avait une expression que je trouvais très, très étonnante et magnifique. On parlait des mousquetaires gris. Alors qu'est-ce que c'est que ces mousquetaires gris, Michel Carmona? Voilà. Alors, le roi crée des compagnies de mousquetaires. Une compagnie de mousquetaires, c'est l'élite. Hein, environ 200 hommes, 250 hommes. Et puis nous sommes en 1626, nous sommes sous Louis XIII, et il se passe à ce moment-là des complots, un complot dans lequel trempe d'ailleurs Anne d'Autriche, la femme du roi. On ne rentre pas dans les détails du complot, on ne peut pas s'attaquer à Louis XIII, on ne peut pas s'attaquer à Marie de Médicis, la mère de Louis XIII, qui est là aussi, qui gouverne en réalité, même si elle n'est plus régente. Alors on s'attaque au Premier ministre, qui est Richelieu, qui est entré au gouvernement 2 ans avant, qui n'est pas Premier ministre, mais on voit bien qu'il prend de la place. On est avant la journée des dupes, c'est-à-dire avant la prise de pouvoir pleine. Bien avant. Il est entré au Conseil du roi, donc au gouvernement, en 1624. Nous sommes en 1626. Oui, voilà. Son action commence à peine. Et donc on le menace de mort. Et l'un de ceux qui le menace de mort n'est autre que le frère de Louis XIII, Gaston, qui vient lui proférer les pires menaces. Le traître Gaston d'Orléans. Le traître. Et donc à ce moment-là, Louis XIII dit à Richelieu, il vous faut une garde. Et alors Richelieu, pas du tout par hypocrisie, dit je ne veux pas de garde parce que je vais vivre enfermé. Non, non, il vous faut une garde. Et donc, il lui ordonne de constituer une garde. Alors, ça ne va pas être tout de suite des mousquetaires, mais c'est au bout de quelques années que Richelieu va faire comme le roi et recruter des Gascons pour faire un corps de mousquetaires. Également à l'instar de la compagnie du roi. Et il va donc y avoir 2 compagnies de mousquetaires. Et là, on rejoint Alexandre Dumas. Il y a désormais les mousquetaires du roi et puis il y a les mousquetaires du cardinal. Qui eux sont en rouge alors, c'est ça ? Et ils sont depuis le début en rouge. Ouais. Alors pourquoi le rouge ? Parce que Richelieu est cardinal. C'est le cardinal, voilà, oui. Il a la robe de cardinal, il est en rouge. Et alors, il y a des différences entre les deux. Voilà. Et la principale des différences, c'est que les mousquetaires du cardinal sont beaucoup mieux payés que les mousquetaires du roi. Comme par hasard. C'est qui détient les fonds dans cette affaire ? Le roi, c'est le trésor public. Et le trésor public paye mal à cette époque. Oui. Hein ? Et donc, ils ne reçoivent pas leur solde, ou ils la reçoivent très tard, ou ils ne la reçoivent plus du tout. Et en tout cas, ils doivent s'équiper à leurs frais. Alors que Richelieu, lui, il sait la valeur quand même de l'argent. Et donc, il les paye ponctuellement. Ils ont des primes, ils sont bien habillés, ils ont du bon matériel. Évidemment, ça suscite la jalousie des mousquetaires du roi. Alors, les mousquetaires du roi, ce sont eux qui sont en noir. Enfin, en gris, en fait, hein, c'est ça ? Alors, pour le moment, ils sont en noir. Et les chevaux des mousquetaires du cardinal, ils sont de n'importe quelle couleur. Mais quand Mazarin va succéder à Richelieu et reprendre les compagnies de mousquetaires, les équipe avec des chevaux de couleur grise. Donc il y a à partir de ce moment-là les chevaux gris du cardinal Mazarin et puis les chevaux noirs du roi. Tout ça va se terminer quand, à la mort de Mazarin en 1661, Mazarin lègue sa compagnie au roi Louis XIV. Encore un legs. Qui en est ravi. Parce que effectivement, c'est une sorte d'école des cadets, comme on l'a dit. C'est aussi une garde, élite. Et il en a oui, besoin. C'est une élite, voilà. Et il va désormais y avoir 2 compagnies du roi. La première compagnie, qui est celle du roi traditionnel, et la deuxième compagnie, qui est ex-cardinal. Les compagnies prennent le nom de la couleur de leurs chevaux. Il y a les noirs, première compagnie, qui sont, on va dire, la catégorie A, si on peut dire. Et puis, il y a la catégorie B, ce sont les gris, qui sont ceux qui étaient ex-cardinal, et ils continuent à se battre entre eux. Eh bien voilà, enfin un mystère éclairci grâce à vous, Michel Carmona. Alors dans un instant, nous allons voir comment ils se battaient et surtout pourquoi. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Pour faire un brave mousquetaire, il faut avoir l'esprit joyeux. Bon cœur et mauvais caractère, c'est bien battre et boire encore mieux. Et pour faire toute folie ivresse, où se perdre notre raison. Comme on change de garnison, il sied de changer de maîtresse. Michel Trampon sur Europe 1, un extrait de l'opérette en trois actes, Les Mousquetaires au couvent. Pour faire un bon mousquetaire, c'est magnifique. Alors, c'est passionnant parce qu'il faudrait entendre au moins autant ce que raconte Michel Carmona hors micro que pendant l'émission. Parce que vous me parliez des conditions pour devenir mousquetaire. Il fallait présenter les quartiers de noblesse normalement, ce qui est normal, comme dans tous les corps d'armée de l'époque. Voilà, oui. Normalement, il faut être noble et c'est le moyen de faire ses classes pendant un minimum de 3 ans. Mais il y a des exceptions. Et on accepte, en particulier quand ils viennent de Gascogne, les jeunes gens qui ont, si je peux dire, un casier judiciaire avec au moins 3 duels. Mais alors que le duel est interdit. Non seulement interdit, mais Richelieu l'avait officiellement, en tout cas, puni de mort. Naturellement, c'est très grave. Officiellement, hein. Il est puni de mort. Oui. Mais, allez, pour ces jeunes garçons, parce que ça aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est des jeunes gens qui ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, donc ils se bagarrent aussi pour un oui, pour un non. Mais ils sont pleins de fougue. Alors tout de suite, on tire l'épée, on va voir si t'es un homme, et puis on se pique, on se saigne, quelquefois on se tue. Alors, quand on a survécu au duel, et qu'on en compte au moins 3, à ce moment-là, on peut candidater à la compagnie des mousquetaires du roi. C'est quand même tout à fait extraordinaire. Et ça montre ça, aussi... Ça, c'est totalement officieux, bien c'est entendu. C'est tout à fait officieux, oui, mais ça montre l'attachement du roi à l'égard de, j'allais dire, de la jeune noblesse. Le roi est le premier des nobles et il le sent, il a de l'affection. Et Louis XIII, chaque fois qu'il faisait décapiter un noble qui avait désobéi ou qui s'était battu en duel, c'était comme si c'était son propre sang qui se répandait. Et donc il y a cette affection. Et puis il y a une deuxième affection qui est quand même les origines béarnaises et gasconnes de Henri IV. Et ben, une partie est dans le sang de Louis XIII, une partie est dans le sang de Louis XIV. Et ils savent qu'il y a là-bas beaucoup de fougue, beaucoup d'esprit d'entreprise, beaucoup d'ambition aussi. Il y a énormément d'ambition et il l'utilise évidemment à son service. Si Richelieu avait été obligé d'interdire les duels, c'est que ça prenait des proportions intolérables et que ça risquait de devenir un véritable danger pour la noblesse. C'est juste une petite parenthèse, mais enfin il faut le préciser. Dans les années où Richelieu et Louis XIII ont sévi, qui sont les années 1620 à 1630, il y avait surtout le fait que la France était en paix. Et donc le caractère belliqueux des nobles ne pouvait s'exprimer que par les duels. Et on disait, alors le chiffre est difficile à vérifier, qu'il y avait 4000 morts chaque année. Mais oui, c'est et le roi disait, c'est quand même effrayant. Et par définition, 4000 morts parmi l'élite de la jeunesse, bien entendu. Donc, Alors de temps en temps, on les envoyait se battre sur des champs de bataille extérieurs. Et puis après, on les a récupérés quand la France est officiellement entrée en guerre. En 1635, le nombre de duels a beaucoup diminué, mais sans disparaître. Alors pour revenir à nos mousquetaires, quand on entre dans le corps des mousquetaires, c'est pour la vie ou c'est pour une période donnée? Comment est-ce que ça se passe? C'est pour une période donnée. En principe, on y reste 3 ans, quelquefois un peu plus. Mais on y reste un minimum de 3 ans. Et après ça, on peut être nommé dans une unité ordinaire à un poste d'officier, on va dire d'officier subalterne. Voilà, on a sorti de l'école des cadres, on a fait ses classes. C'est un peu le Saint-Cyr de l'époque, si on peut dire. C'est tout à fait ça, moi je dirais. C'est tout à fait ça, parce que c'est là où se fait vraiment la formation, avec plus seulement de l'exercice, mais aussi de la pratique, avec l'envoi au combat. Pendant les années où les mousquetaires ne combattent pas, il arrive assez fréquemment qu'on envoie les mousquetaires se battre à l'étranger. On prête des mousquetaires à d'autres. Tenez, il y a un épisode du XVIIe siècle qui se passe entre les années 1640 et les années 1660, qui est l'extraordinaire siège, il paraît que c'est le plus long de l'histoire, il a duré 22 ans, de la ville qu'on appelait Candie à l'époque et qu'on appelle Héraclion en Crète aujourd'hui, qui appartenait aux Vénitiens. Siège de Candie, extraordinaire. Voilà, et que les Turcs Turcs, les Ottomans ont assiégé, ont fini par prendre. Et dans les dernières années, le roi de France a envoyé des centaines de mousquetaires se battre à Candie. Alors, ils n'ont pas permis de sauver la ville. D'ailleurs, ils sont partis avant la chute parce qu'ils s'entendaient plus avec les Vénitiens. Mais on les envoyait, voyez, s'aguerrir sur les théâtres extérieurs. Alors, ces mousquetaires, ils vont connaître encore de belles heures sous le règne de Louis XIV. Ensuite, ça va s'amenuisant, mais quand même, il y a encore des mousquetaires sous Louis XV, même sous Louis XVI encore. Hein. Les mousquetaires n'ont disparu qu'en 1775. Il y a eu une réforme de l'armée pour des raisons d'économie. La grande réforme Saint-Germain. Saint-Germain. Et au 1er janvier 1776, il n'y a plus de mousquetaires. Alors, Louis XVI, très triste, les reconstitue, année fatale, 1789. Oui, il était temps. Ils vont quand même rester jusqu'en 1792. Et puis après ça, ils sont supprimés. À la chute de la monarchie, il n'y a plus de mousquetaires. Il n'y a plus de mousquetaires. Mais quand même, pour dire à quel point le prestige des mousquetaires était grand. Quand Louis XVIII arrive au pouvoir en 1814, qu'est-ce qu'il fait? Il reconstitue la compagnie des mousquetaires. Puis après, Louis XVIII est obligé de partir. Il revient après Waterloo. Et là, il décide que c'est fini, l'histoire est passée, il n'y aura plus de mousquetaires, c'est les armées révolutionnaires et napoléoniennes maintenant, avec leur catégorie, leur organisation qui vont régner. Le un pour tous, tous pour un, c'est fini. C'est fini. Alors, est-ce que c'est la vraie devise des mousquetaires, ça, ou est-ce que c'est encore une invention d'Alexandre Dumas? Non, ça c'est une invention, c'est la devise de D'Artagnan et de ses compagnons. Parce que les deux compagnies avaient des devises. Alors, elles sont en latin toutes les deux, celle de la première compagnie, c'était « Là où j'accours, accours la mort ». Voilà. Et la deuxième, qui disait, la deuxième compagnie, qui faisait allusion au roi soleil, et qui avait d'ailleurs pour emblème un soleil avec 12 flèches dirigées vers le bas, et qui disait, les rayons de cet autre Jupiter sont aussi mortels que celles du premier Jupiter. Oui, c'est vrai que c'était un peu moins littéraire et un peu moins fort et facile à retenir que sous la plume celui d'Alexandre Dumas. Bien sûr. Merci infiniment, Michel Carmona. Je rappelle, alors, parmi tous vos ouvrages, bien sûr, Le Richelieu qu'il faut lire absolument, La France de Richelieu, chez La Martinière, plus récemment, un ouvrage sur l'histoire de Paris qui est foisonnant et, comme toujours avec vous, fourmillant d'anecdotes. Merci beaucoup. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Fanny, qui nous l'a envoyée via la page Facebook de l'émission, qui souhaite connaître l'origine de la guitare. Eh oui, voilà une question claire, comme je les aime. Alors, il faut dire que les ancêtres de la guitare sont probablement arabes et même sans doute perses, mais tout ça est assez obscur. La guitare espagnole, et on peut dire que les premiers traités de musique qui concernent la guitare apparaissent au début du XVIe siècle, c'est la guitare à cinq cornes. Alors, il semblerait que les Maures, comme on disait, ont apporté les premières guitares en Europe, en Espagne, 5 ou 6 siècles plus tôt. Le mot espagnol remonte au grec kithara, c'est la sitar, hein, tout simplement, ça vient de là, qui d'ailleurs est devenu en arabe kithara, très proche, le mot, tous ces mots sont très proches. Alors, la grande sœur de cette guitare, on l'appelait la guiterne, elle était un instrument tout à fait populaire au XIVe siècle, on jouait sur cette guitare avec un plectre, vous savez, une petite plaque. Hein. La guiterne avait un corps plat, le corps et le manche étaient construits dans la même pièce de bois. Et au départ, il y avait seulement 4 cordes, qui étaient d'ailleurs des cordes simples à ce moment-là. On ne sait rien de certain sur l'origine de cet instrument, écrivent les frères Escudier, qui sont grands historiens de la musique au XIXe siècle. On pense généralement qu'il est aussi ancien que la harpe et que les Maures l'ont apporté en Espagne, d'où il s'est ensuite répandu au Portugal et en Italie. Le plus important, c'est la phrase qui vient ensuite. Du temps de Louis XIV, il était fort à la mode en France, mais la vogue qu'il eut fut de courte durée. On sait quand même, puisqu'on était dans nos mousquetaires avec Michel Carmona, que le jeune roi lui-même jouait volontiers de cet instrument. Et du reste, j'ai à l'esprit les sérénades qu'il venait jouer devant ses enfants naturels chez la veuve Scarron, qui s'occupait d'eux, vous savez, la future madame de maintenant. Alors un peu plus tard, la guitare a été complètement éclipsée par le clavecin, par le piano, etc. Tous ces instruments à cordes, mais avec un clavier. La guitare revient à la mode au début du 19e et puis bien sûr au 20e avec tous les genres de guitares, y compris Zigane. Alors, j'entre pas sur les questions de cordes simples ou doubles, sur le nombre de cases qu'il y a sur le manche, 8, puis 10, puis 12 cases, etc. Sachez que le système à cordes simples à 6 cordes date de la fin du 19e siècle. Et c'est dans la deuxième moitié qu'un luthier espagnol, Antonio de Torres, va donner naissance à cette guitare moderne. Alors, il faudrait pourrais citer un certain nombre de grands noms. Je pense à Andrés Segovia, bien entendu, qui est mort en 87, qui a fait beaucoup pour populariser la guitare, mais puis des grands interprètes, Narciso Yepes, Alexandre Lagoya, ou Manitas de Platas, dans un genre tout à fait différent. Comme dirait Yves Duteil, j'ai la guitare qui me démange. Bonjour Elena Morna, qui est venue avec sa guitare, ça oui, tombe oui, bien. Oui, avec ma guitare portugaise qui a, je crois, 11 cordes, mais j'ai peur de dire une bêtise. En fait, je suis surtout venue vous parler malheureusement de l'endettement, des situations de surendettement, comment s'en sortir, quels sont les recours quand on est au bord du gouffre et comment éviter la spirale. On en parle avec vous et les experts, 3921 ou europe1.fr pour toutes vos questions. Merci beaucoup Elena et puis merci à Evan qui nous a accompagnés pendant toute cette émission et qui était là, dans ce studio. Merci vraiment. Beaucoup. Nous nous retrouvons demain, Céline. Avec plaisir, Franck, à demain. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.